LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Est-ce que vous vous souvenez de moi, ça? Je suis pas dessus, alors je comprends pas. Ah, mais si, Amande, oh là là! Ah ben oui, je suis pas dessus parce que je suis passée par derrière. Mande, capitale de la torture. Ah ben c'est Babette, oui, c'est moi, ça. Alors, racontez-nous. Alors, pourquoi j'étais Amande? Eh ben parce qu'avec le cap, j'étais peut-être un peu amoureuse. Non, mais c'est... Alors, Mande était une... avait une prison de haute sécurité. Donc, il y avait une manifestation du commissariat d'action des prisonniers. Et à cette occasion, on est donc descendu à Mande. C'était l'occasion de montrer que l'exploitation des détenus et des personnes handicapées se ressemblait. Parce que ce sont les mêmes sous-traitants, ils avaient les mêmes tâches, hein, des cartonnages, des pliages, voilà. Payer la tâche, très mal, donc pareil pour les personnes handicapées. Et vous savez, les fameuses chemises avec des élastiques, c'était produit, ça pouvait provenir aussi bien d'une prison que d'un centre d'aide par le travail. C'était les mêmes produits, les mêmes modes de paiement et ce même enfermement dans un lieu clos. Handicap, la hiérarchie des vies, par Clémence Alzar et Asia Khalil. Troisième épisode, une lutte d'émancipation collective. On a fait un coup d'éclat, hein, dont l'idée c'était d'attirer l'attention sur le plan médiatique, sur notre combat. Et on a pour cela bloqué le convoi des pièces de l'Airbus A380. Odile Morin. Qui traversait le Gers, c'est un convoi exceptionnel. Présidente de l'association Handisocial. Des ailes qui font 35 mètres de large, enfin voilà, c'est quelque chose d'énorme. Et donc ce qui nous a aidé, c'est que ce convoi, il ne peut pas passer n'importe où, il est obligé de passer à des endroits bien précis. Et donc on s'est simplement positionné sur la chaussée, on était une quinzaine, dont une majorité en fauteuil roulant, et on a attendu, on a dit bah, « maintenant vous passez pas ». Et on a quand même réussi à immobiliser le convoi pendant 24 heures. Parce que l'idée c'est que de toute façon, vouloir réunir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes, c'est quasiment impossible à cause de l'inaccessibilité de ce pays et du manque de compensation. Donc on ne peut pas, de toute façon, nous, personnes handicapées, mobiliser suffisamment de gens dans la rue. Donc la seule solution, c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire des petits groupes actifs qui, effectivement, s'attaquent aux intérêts économiques de ceux qui, effectivement, pèsent sur l'Assemblée pour faire voter des lois qui sont contraires à nos droits. La Causette était un journal écrit par des femmes aveugles. Des exemplaires des années 60 conservés à la BNF ont été exhumés par l'historien Gildas Bréguin. D'après lui, si le journal n'est pas à proprement parler revendicatif, on y lit toutefois des femmes aveugles réclamer le droit à un emploi correctement rémunéré ou encore le droit à un lieu d'asile protégé, c'est-à-dire non mixte. En effet, certaines y témoignent des nombreuses agressions sexuelles subies au sein des hospices où elles résident. En décembre 2021, l'Assemblée nationale a une nouvelle fois rejeté la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Cela signifie que cette allocation, comme d'autres minima sociaux, reste indexée sur les revenus du conjoint ou de la conjointe. Si ceux-ci excèdent 20 000 euros par an, la personne bénéficiaire perd son revenu de subsistance. Selon les mots d'Ariette Degé, membre du collectif anti-féministe Les Dévalideuses, cela crée un déséquilibre en termes de dynamique de pouvoir dans les relations familiales ou de couple. Et c'est un terreau très fertile pour l'apparition de violences, qu'elles soient symboliques, psychologiques ou physiques. Cette organisation de la dépendance affecte en premier lieu les femmes handicapées, dont 4 sur 5 seraient victimes de violences conjugales selon les chiffres de l'ONU. En 2021, une enquête soutenue par l'État a été menée à l'échelle locale par l'Observatoire régional des violences sexistes et sexuelles de Nouvelle-Aquitaine. 211 femmes, âgées de 19 à 72 ans, toutes catégories sociales et handicaps confondus, ont été entendues. Il en ressort qu'une femme handicapée sur deux témoigne avoir subi des violences sexuelles. Plus de la moitié des femmes ont rapporté des crimes incestueux. Enfin, toutes les femmes en situation de handicap mental et psychique interrogées relatent des refus de plainte, d'écoute ou de soins et des motifs tels que l'hystérie mobilisés pour disqualifier leurs paroles. Cécile Morin, professeure d'histoire géo, porte-parole du CLE. Clé collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. On est présenté comme d'éternels objets de soins, de protection, certainement pas hein, comme des sujets capables aussi de lutter contre notre domination. Et cette domination, elle semble résulter, naturellement on pourrait dire, hein, d'une condition malheureuse, d'une fatalité biologique. Et donc, c'est notre militantisme, il consiste essentiellement, en fait, à essayer de dénaturaliser cette domination. L'enjeu, il est déjà de se déprendre soi-même, c'est-à-dire, il est déjà de lutter contre l'intériorisation, en fait, hein, de cette idée par les personnes handicapées elles-mêmes. Parce que si vous ne rencontrez pas un discours, une parole qui ben justement hein, vous dit que ben non, cette domination, elle est historiquement et socialement construite, elle est le produit de rapports de force et pas d'une condition biologique, vous finissez par intérioriser une vision déjà dépréciée de vous-même, l'idée que vous seriez dans une infériorité biologique. Il y a la nécessité de congédier l'argument biologique. De même que, ben, il a fallu congédier l'idée que les femmes seraient naturellement prédisposées à une condition de subalterne. Hein. Nous, il faut absolument que, ben, on arrive à dénaturaliser hein, cette domination. Et c'est ce qu'on fait ben, sous la bannière de l'antivalidisme, hein, parce que cette notion, en fait, elle est porteuse d'un fort potentiel émancipateur. Chaque année en France, il naît un handicapé physique ou mental toutes les 20 minutes. Antenne 2, 1967. Il faut ajouter les accidents du travail, 100 000 handicapés tous les ans, les accidents de la circulation, 50 000, et les personnes âgées invalides, plus de 6% de la population française. Aujourd'hui, comme chaque année à la même époque, diverses associations organisent une quête au bénéfice des 3,5 millions de Français handicapés. Cette quête, d'autres associations la récusent, pour le principe d'abord, pour sa relative efficacité. La quête ne résout rien, enfin, elle sert uniquement à payer le personnel d'encadrement des principales associations dites représentatives des handicapés, et elle sert à créer de nouveaux ghettos sans cesse, c'est-à-dire créer des hospices, créer des foyers. Des ateliers protégés. On a calculé que cette quête revenait à environ 500 millions et il y a à peu près 3 500 000 d'handicapés et ça ferait 1,40 francs par handicapé, c'est vraiment dérisoire. On va dire qu'il y a la période de l'entre-deux-guerres qui constitue vraiment une période charnière puisqu'il y a une explosion des mobilisations associatives des mutilés de guerre. Gildas Bréguin. On observe aussi le fait que les mobilisations des accidentés du travail se fortifient. Historien du handicap. Et on voit naître des mobilisations assez éclatées et dispersées d'infirmes civils qui revendiquent des droits. Et donc ça, c'est une première période. Je dirais qu'il y a une deuxième période charnière qui sont les années 68. Les années 68 avec une radicalisation de certains mouvements associatifs et l'émergence de nouvelles associations en fait qui vont contester le monopole associatif des grandes associations comme l'APF ou voilà. Qu'on va appeler des associations gestionnaires. Voilà, on a des associations gestionnaires. Et donc avec un discours aussi plus revendicatif et contestataire envers les responsables politiques, c'est-à-dire qu'il y a une exigence d'accessibilité beaucoup plus forte. Il y a quand même un effort pour interpréter la réalité politique que vivent les personnes handicapées sous un prisme marxiste. Et j'ai l'impression que c'est vraiment aussi en lien avec une dynamique internationale qui voit la reconnaissance des discriminations faites aux personnes handicapées. Par exemple, en 1976, l'ONU va organiser un congrès d'experts où on va s'intéresser aux barrières sociales que connaissent les personnes handicapées. Donc en fait, c'est aussi lié à l'émergence depuis une vingtaine d'années, depuis les années 50, de tout un discours qui insiste sur le fait que les personnes handicapées subissent en fait certaines discriminations ou ont des difficultés du fait de la société. La réinsertion sociale des handicapés passe avant tout par une réelle prise de conscience des valides et l'aménagement du cadre de vie des handicapés. Antenne 2, 1976. À Paris, sur les lieux des quêtes aujourd'hui, des handicapés ont distribué des tracts s'opposant à l'utilisation de la charité publique. Distribution de tracts et discussion avec les jeunes quêteurs. Faire quelque chose, c'est plutôt aux handicapés eux-mêmes à le faire, c'est plutôt à ce qu'ils aient des conditions de travail à peu près correctes. Vous savez les conditions de travail des handicapés ? Vous connaissez les conditions de vie des handicapés ? Grosso modo, il y a 90% d'handicapés qui sont au chômage. Quand ils ne sont pas au chômage, on les envoie dans des ateliers protégés, où ils vivent, où ils travaillent, mais ils ne sont pas payés comme un ouvrier normal. On les paye 5 centimes pièce à faire des boîtes de camembert. Et donc, il y a l'historique aussi des manifestations. Oui. Donc, il y a la première en mars 73. Oui. Et après, en mai 73, vous vous souvenez de ce que vous faites ? On a occupé une rue. En mai 73, Elisabeth Auerbacher, au niveau de la chronologie, je vais peut-être prendre avocate, des cofondatrice du CLH. Moi, je ne viens plus de la chronologie. Hein. CLH. C'est qu'on a occupé la rue dans le 15e. Comité de lutte des handicapés. On a occupé l'APF, ça, l'APF. Valide, je lançais des pots de bananes de la fenêtre, je les ai valides aujourd'hui, handicapés demain. C'est mon humour, qui n'est pas toujours apprécié. Après, ce qu'on a fait, alors on était, c'était vraiment, on était mais brinque-ballant. On était 5 personnes complètement brinque-ballantes. Moi, je n'étais pas encore en fauteuil, mais j'étais sur mes cagnes, il y avait les copains qui étaient en fauteuil roulant. On s'est mis en cercle, il y a le commissaire de police, puis on lui a dit, vous êtes séquestré. Il a joué le jeu, il a dit, bon d'accord, je suis séquestré. Mais c'était très symbolique de la possibilité qu'on ait une action et qu'on était des citoyens qui avaient des revendications politiques. Voilà. Les jeunes handicapés du Nord sont scandalisés devant la situation. ORTF Lille, 1974. Et nous manifestons ici notre volonté de nous intégrer dans la société. Et nous allons à la préfecture déposer une motion réclamant pour les plus démunis d'entre nous au moins 80% du SMIC comme ressource minimale. Quelles sont actuellement les ressources minimales pour les handicapés ? Eh bien, le handicapé physique, au mieux, touche actuellement 433 francs par mois. On tient compte pour lui attribuer cette somme qui est presque symbolique à notre époque, des ressources de sa famille et, ce qui est extrêmement scandaleux, les arrérages versés sont récupérés sur la succession du bénéficiaire. Charte de revendication, comité de lutte des handicapés. La lutte des handicapés n'est pas une lutte de marginaux, comme on le voudrait bien. C'est une lutte qui fait partie intégrante de la lutte de classe. Comme nous sommes une partie de la classe ouvrière, la plus exploitée, le CLH pose le problème de la transformation radicale de l'organisation capitaliste, du travail et de la vie. C'est pourquoi les militants ouvriers, poursuivant des objectifs révolutionnaires, doivent intégrer la lutte des handicapés à la lutte générale du prolétariat et de ses alliés pour la destruction de l'État bourgeois et capitaliste. Le droit à l'insertion pour les handicapés, c'est la mise en place de moyens techniques d'autonomie physique et d'indépendance financière. La suppression à moyen terme de toute forme de ghetto, ateliers protégés, centres d'aide par le travail, etc. La lutte immédiate contre les rendements, les cadences pour tous les travailleurs, valides ou non. Le droit au travail sans discrimination. Journal handicapé méchant, numéro 1, janvier 1974. ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans la réflexion du CLH, c'est cette part aussi de réinvention et de réflexion politique sur, à partir de l'expérience handicapée, on va repenser une organisation de la société globale où finalement le handicap serait la norme en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est ce renversement en fait de l'ordre, hein, du normal et de la normale et de la norme, et dire bon ben en fait on voit que les cadences infernales imposées par le taylorisme créent des maladies professionnelles, créent énormément d'accidents du travail. Oui, on est dans les années 70, bon, on est vraiment là-dedans, et donc on voit bien que c'est inhumain, hein, et donc on va s'aligner sur les capacités des travailleurs et des travailleuses handicapées pour en faire une norme pour tout le monde. Les handicapés méchants, c'est quand même un collectif qui est peu connu du grand public, voire pas du tout. Hein. Charlotte Puiseux, psychologue, membre des Dévalideuses. Aujourd'hui, ce qui est connu du grand public, ça va être l'APF, l'UNAPI, des grandes assos gestionnaires, justement, qui existaient déjà à l'époque. Hein, du coup, alors que les handicapés méchants, très peu de personnes, même handicapées, connaissent. C'est vraiment une perte. C'est une grosse perte, quoi, parce que quand on lit leurs archives, on se rend compte qu'ils ont posé des questions qu'on pose aujourd'hui il y a déjà plus de 50 ans, quoi. Et c'est très impressionnant de se dire que voilà, c'est cette pensée-là, elle existait déjà et qu'elle a été enterrée, quoi, en fait. À bas les cadences et les rendements. C'est la loi du profit qui nous handicape. Nous sommes plus de 3 millions en France. Victime du terrorisme d'État. Et il faudrait qu'on ferme notre gueule. On ne veut plus rester docile et caché. Et pour cela, nous prenons notre lutte en main. Notre combat passe par la lutte contre les associations gérantes de la pénurie de l'État. Mais cela ne suffit pas. Il faut que la classe ouvrière, directement concernée, prennent conscience que tous les jours, à l'usine, sur la route, le capitalisme tue et mutile. Journal Handicapé Méchant, numéro 2 bis, mai 1975. Dès les années 50, en fait, a été légitimé un système productif dans lequel toute une série de personnes handicapées ont été cantonnées dans des emplois de moindre valeur ajoutée et dans des emplois répétitifs, dans des usines, dans des ateliers protégés, où elles ne bénéficiaient pas du statut de travailleur productif. Ça, c'était dans les années 50. Après, dans les années 70-80, les normes internationales ont évolué et on a demandé petit à petit à ce que le statut de travailleur ordinaire soit reconnu aux travailleurs handicapés qui travaillent dans le secteur protégé. Donc là, ça permet par exemple de faire grève. Tout à fait, d'avoir le statut de pouvoir se syndiquer, de faire la grève. D'avoir des congés payés. Peut-être. D'avoir des congés payés, ouais. De cotiser pour la retraite. Voilà, d'avoir tous les droits inhérents au statut de travailleur. Et en fait, ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a eu une réticence considérable de la part des acteurs associatifs à l'application de ces normes internationales qui demandaient la reconnaissance du statut de travailleur ordinaire pour les travailleurs des ESAT. Il y a une réticence associative. Oui, des associations qui gèrent ces ESAT, en fait. Donc les associations gestionnaires, donc, que sont l'APF, etc. D'où les luttes aussi d'autres collectifs militants contre les associations gestionnaires. Qui n'appliquent pas les standards internationaux, tout simplement. Ces associations, ce sont donc l'association des paralysés de France, par exemple, elles sont celles qui font barrage à l'application de normes qui sont favorables aux personnes handicapées. Ces associations gestionnaires se disent qu'il vaut mieux offrir un emploi, y compris avec des conditions dégradées de travailleurs, plutôt qu'une absence d'emploi. Et donc craignent que le changement de statut des ESAT, par exemple, amènerait à menacer réellement leur existence sur le plan économique, puisque leur survie économique tient un modèle assez fragile, visiblement. Et donc, ils ont peur que la survie des ESAT soit en jeu, s'il y a un changement du modèle. Et donc, ils préfèrent maintenir le statu quo pour continuer à fournir des emplois. Nous pensons qu'à bien des égards, la société est inadaptée. qui ne permet pas que nous nous exprimions. ORTF Lille, 1974. Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution quand même en ce sens depuis quelques décennies? Nous espérons que dans l'esprit de, au moins des jeunes handicapés, justement, il y a une certaine évolution de leur mentalité, c'est-à-dire qu'ils rejettent maintenant l'assistance. Ils cessent d'être passifs pour s'intégrer totalement à la société. Et la preuve de cette manifestation, c'est le nombre de handicapés et de jeunes qui sont ici derrière. Et qui ont eu le courage de venir défiler. Au risque de susciter la pitié. Alors, on revient. Alors, après octobre 73... Ah bah si, oui, octobre 73. Donc, la rue de l'Ouest, on a occupé la rue de l'Ouest. C'est à cause de cette manifestation que Cornu dans Le Monde a écrit « Des handicapés font de la politique ». Ça n'existait pas. On était vraiment... Après, en janvier, on fait le journal, qu'on appelle « Handicapés méchants ». Janvier 74. Voilà. Et on a fait, en mars 74, alors, on était sans handicapés, mais on était surtout avec beaucoup de monde autour. On a pris les Champs-Élysées. Alors, on avait normalement deux voies. Et moi, j'ai dit « Hop, on se met en ligne ». Et on a fait tous les Champs-Élysées. C'était la première grande manifestation d'handicapés. Ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Donc là, il y avait 100 personnes handicapées et des personnes valides. Ah ben, il y avait tous les groupes autour, le comité d'action des prisonniers, les éducateurs, tous les mouvements sectoriels qui existaient à cette époque-là se sont regroupés. Donc on avait une grande manifestation sur les Champs-Élysées où on est allé jusqu'au ministère de la Santé. We have sinned so many times before. We see no need to turn back now. We're the world, the wicked world, marching to hell. Dans ces années 70, les ouvriers et les ouvrières handicapées ont participé à ces grands mouvements de lutte et à ces grands mouvements sociaux post-68 qui, justement, voyaient agir les fractions les plus dominées de la classe ouvrière, hein, c'est-à-dire les femmes, les immigrés, mais aussi en fait les travailleurs handicapés. Par exemple, à Besançon, il y a eu une occupation du CAT, sur le modèle des LIP avec des grèves productives, etc. Et ce qui me semble important, c'est qu'en fait, cette mémoire et cette histoire n'ont pas du tout été transmises à la génération suivante. Bon, évidemment, parce que c'est une mémoire de vaincu, hein, parce que en fait, les lois de 75 ont été négociées, les associations gestionnaires sont sorties victorieuses, n'avaient évidemment aucun intérêt à diffuser cette mémoire, mais aussi pour d'autres raisons qui tiennent au fait que les acteurs et actrices handicapés ont quand même longtemps apparu insignifiants aux yeux des historiens, des historiennes de l'histoire sociale, de l'histoire du travail. Et en fait, ça a quand même été un problème pour, par exemple, ma génération, parce que nous n'avons pas pu bénéficier en fait, de tout ce travail de mobilisation politique que ces activistes avaient accompli. Nous commençons notre travail à 8h. Nous nous levons à 6h30 pour être prêtes pour le petit déjeuner qui est à 7h15. Nous avons eu dernièrement un nouveau boulot qui n'est pas adapté pour les handicapés. C'est des coquilles Saint-Jacques. Elles sont dans des sacs de 50 kg. Un de nos camarades qui a une scoliose très prononcée fait le transport des sacs sur son dos. Et en fin de journée, il est fatigué. Une équipe lave les coquilles dans une grande poubelle et ils sont, les handicapés, pliés en deux pour les laver. Et beaucoup sont handicapés du dos ou des mains. Et ce travail est payé au rendement. Mais vu que les valides ne voulaient pas de ce travail, qui est dégueulasse à faire, c'est les handicapés qui le font. Claudine A. Journal Handicapés Méchants, numéro 5. Mars 1977. Penser que on puisse faire travailler des gens sans droit du travail, sans le SMIC, et que non seulement ça passe pas pour de l'exploitation et de la privation des droits, mais que ça passe pour de l'action sociale, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait ce système là du travail dit protégé, qui est en fait un système ségrégué, hein, il a été aussi mis en place par la volonté du patronat pour faire baisser les quotas d'embauche. Vous savez, les 6% aujourd'hui d'embauche de personnes handicapées dans les entreprises publiques et privées de plus de 20 salariés étaient autrefois de 10%. Et en fait, les associations gestionnaires, en accord avec l'État et le patronat, bien sûr, ont fait baisser les quotas en contrepartie de la création de ce secteur dit protégé. Et aujourd'hui encore, si une entreprise n'emploie pas 6% de travailleurs handicapés, mais sous-traite une partie de sa production à un ESAT... ESAT, établissement ou service d'aide par le travail. Ben, cette entreprise, en fait, est exemptée des cotisations à la GFIP. Enfin, ça passe pour de l'action sociale et vous avez aussi des entreprises qui se prévalent d'être des entreprises de l'économie sociale et solidaire parce qu'elles sous-traitent leur production donc aux ESAT, dans lesquels travaillent des gens dans ces conditions-là. Et voilà, le fait que, puisque ce sont des personnes handicapées, c'est pas de la ségrégation, c'est pas de l'exploitation, mais c'est au contraire leur rendre service, je trouve que ça dit bien cette espèce de frontière qu'on représente encore sur le plan de l'égalité des droits. Pour moi, si on veut transformer le système dans sa globalité, il faudrait aussi militer pour augmenter le quota d'embauche obligatoire et obtenir une augmentation à 8%, voire à 9%, 10%, pour permettre aussi l'insertion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut que les personnes handicapées, quel que soit leur handicap et quel que soit le degré de productivité qu'elles ont, il faut augmenter les quotas d'embauche obligatoire, surtout pour les très grosses entreprises privées et les administrations. Il est faux de dire, comme le dit Sophie Cluzel, qu'il vaut mieux convaincre plutôt que de sanctionner les entreprises privées qui n'appliqueraient pas le système de quotas. Non. En pratique, dans les politiques publiques, ça ne fonctionne pas, ce système libéral promu dès les années 1950 par l'OIT, où on veut davantage convaincre les employeurs ou les sensibiliser plutôt que de les contraindre. En fait, on les sensibilise depuis un siècle. Et pourtant, on constate que le niveau d'embauche n'est pas là. Est-ce qu'on va encore attendre un siècle, continuer à les sensibiliser pendant un siècle pour obtenir un taux d'emploi des personnes handicapées qui soit juste digne? Moi, ça me paraît inconcevable. Rizzo Boring, dessinatrice, activiste. C'est aussi, pour moi, être handicapé, c'est aussi une place dans le capitalisme. Par rapport au travail, par rapport à sa capacité à gagner de l'argent, par rapport à... Voilà, je dis c'est une expérience administrative, c'est une expérience médicale, c'est une expérience du quotidien, mais c'est aussi une place dans le capitalisme d'être handicapé, quoi. Le modèle validiste, en fait, il est très lié au capitalisme aussi, comme à d'autres modèles aussi. De la performance, d'une capacité à produire, à performer, à être toujours présent, à être autonome aussi, toute cette idéologie-là de l'indépendance, qu'on serait des individus, chacun autonome, avec la dépendance vue comme quelque chose de très exceptionnel, négatif, etc. Donc oui, pour moi, c'est ça mon rapport aussi au handicap. C'est quoi le cachet ? Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue. Quand est-ce qu'on va l'arrêter ? Ça dépend. Si mon comportement est inadapté, il faut l'arrêter quand on a un comportement adapté. Je suis mieux quand je suis sans. On dit soit le médicament, soit le traitement. Quand je l'ai dans mon estomac, je me sens pas bien. C'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. Si je ne le prends pas, je mourrai à 100 ans. Si je le prends, je mourrai à 30 ans. Je me sentirai bien toute ma vie. Moi, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et je suis une personne psychiatrisée sous une institutionnalisation assez forte. Donc, je suis à la fois en hôpital de jour psychiatrique et dans un foyer pour psychiatriser. Et j'ai par ailleurs une personne qui se considère non-binaire. Mais au placard, à cause de cette situation, parce que c'est assez difficile de transitionner, sinon. En étant dans cette situation d'institutionnalisation, vous voulez dire ? Oui, bien sûr, parce que ce sont des choses qui peuvent être considérées ou pas, mais ça peut l'être, donc c'est un risque sous un angle pathologique, quoi. par les différents agents des institutions et agents qui sont nombreux. Quand on est sous plusieurs institutions, ça peut être des éduxpé comme des infirmiers, des soignants, bah, des psychiatres évidemment. Je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pilule bleue, quand est-ce qu'on va l'arrêter? Et oui, donc Camille, vous êtes militante anti-psy, peut-être de par votre parcours, votre expérience avec les confrontations avec l'institution. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à être voilà, anti-psy? Moi, je viens d'un milieu prolétaire. Hein. Mon père était dans la classe ouvrière. J'ai fait partie un petit peu des miraculés, comme le dit Bourdieu, c'est-à-dire des gens qui ont pu voilà, faire des études, avoir un diplôme, en sciences sociales en l'occurrence. Dans ce cursus-là, j'ai pu lire un peu voilà, Michel Foucault, Gilles Deleuze, donc des gens qui font partie de l'antipsychiatrie française. C'était une époque d'ailleurs où on ne savait pas que j'avais un handicap voilà, d'ordre mental qui fait partie des catégorisations psychiatriques. Et d'ailleurs, en vrai, je m'embête même pas à dire quel diagnostic c'est, parce que pour moi, ça n'a même pas tellement d'importance, en réalité. C'est-à-dire que c'est les catégories psychiatriques, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Elles sont très arbitraires et très, très poreuses, en réalité. Et pour moi, le diagnostic a un intérêt pragmatique pour obtenir des aides, notamment l'AH. Mais moi, ça ne va pas plus loin, vous voyez. Mais ça fait que, voilà, je suis tombé sur le coup d'une obligation de soins. Et ça a commencé avec un hôpital de jour. À certaines composantes particulières qui sont pas forcément mieux qu'un enfermement, c'est autre chose. Moi j'étais quelqu'un d'isolé j'ai pu rencontrer alors par le net d'autres gens qui ont des parcours un peu proches, des situations un peu proches et c'est comme ça qu'après on a pu le bagage social que j'avais qui fait que je m'intéressais à ces questions, ça m'a permis de connaître voilà, d'autres personnes anti-psy et de se renseigner un peu sur ça. Et ce qu'on a fait, c'est que tous ensemble, on a commencé un peu à se renseigner sur l'histoire de ces mouvements-là, les différents courants qu'il y a aussi, hein, parce qu'il y a des désaccords. Puis voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui, quoi. C'est une situation assez étrange où je suis en institution et en même temps, je suis un peu dans des groupes militants plus ou moins informels ou plus ou moins formels qui réclament l'abolition de ce genre de structure. C'est un peu drôle. De cette situation, donc à la fois dans l'institution et contre l'institution, j'imagine que c'est pas un choix d'être à cet endroit-là. C'est pas un choix et en même temps, il y a des choses qui sont un peu amenées sous l'ordre du choix. C'est-à-dire que moi, l'hôpital de jour, j'aurais pu ne pas y aller en réalité. Ce genre d'institution-là, c'est que vous avez le choix d'entrer et après pour sortir, c'est plus compliqué. Et aussi, il y a les situations matérielles, je pense, parce que je suis dans un logement pour psychiatriser, ce qui économiquement n'est pas la pire situation, je pense. Mais après, ça va de pair. Le revers de la médaille, c'est après beaucoup de contrôle, beaucoup de surveillance. Donc c'est un peu difficile, quoi. Votre situation, est-ce qu'elle révèle du coup des dysfonctionnements en matière d'aide humaine qui pourrait peut-être vous être accordée et pour vous permettre de vivre en... Vous disiez en milieu ordinaire, enfin en dehors en tout cas de foyer ou... Pour moi, c'est pas des dysfonctionnements. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme ça que l'institution fonctionne et que. Et donc l'ONU dit à la France de rompre avec la culture de l'institution. Donc c'est-à-dire que d'adapter notamment le travail ordinaire pour que les handicapés puissent, par exemple, voilà, avoir une vie normale, quoi. Mais vous voyez, je pense que. Quand on voit les réactions notamment des gestionnaires, des associations de gestionnaires, notamment les gestionnaires d'ESAT, quand on voit leurs réactions, on voit qu'il y a, c'est pas non plus explicite, mais on voit qu'il y a une sorte de chantage qui est sous-jacent. C'est-à-dire que soit en gros vous allez dans des établissements spécialisés, soit vous n'avez pas d'aide. Et c'est souvent comme ça que ça marche en France, voyez. Parce que c'est quelque chose qui est un peu martelé, comme quoi l'ordinaire n'est pas fait pour nous, et que comme l'handicap, et notamment la maladie mentale, sont des choses qui sont immuables, incorporées, et que c'est pas du tout lié à des situations sociales, donc on peut rien faire pour changer ça, alors voilà, le milieu protégé, les établissements spécialisés vont de soi, et que de toute façon, il n'y a aucun moyen de faire autrement. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ça relève du... Je pense pas que ça relève du dysfonctionnement. Moi, je pense que c'est un problème qui est d'ordre idéologique. Et que oui, on est dans une idéologie de séparer les handicapés, surtout les fous, en fait, voilà, du reste de la population, quoi. Et ça se voit même dans certaines villes où, limite, il y a une ville pour les valides et une ville pour les handicapés. Et on voit les établissements spécialisés sont un peu isolés dans un coin, derrière des portails. C'est un peu étrange, voyez, c'est... Oui ? Monsieur McMurphy, docteur. Oh, faites entrer, je vous prie. Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Miloš Forman, 1975. Merci. McMurphy, je suis le docteur Spivey. Ah, docteur, vous ne pouvez pas savoir ce que je suis content de vous voir. Merci. Hein? Bon, prenez une chaise, asseyez-vous et parlons. D'accord. Randall Patrick McMurphy, âgé de 38 ans. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé votre transfert ici même? Oh, on sait rien. C'est ce qu'ils disent là. C'est que... ils disent plusieurs choses là. Ils disent que vous êtes belliqueux, que vous enfreignez les consignes de silence, que vous avez une attitude de refus vis-à-vis du travail en général, que vous êtes paresseux. Mâche du chewing-gum en classe. En fait, vous avez été transféré dans ma clinique parce qu'ils voulaient que nous vous évaluions. Ouais. Pour déterminer si oui ou non vous êtes malade mental. Voilà la vraie raison. Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça? Alors, il y a différents courants anti-psy. Par exemple, je pense à l'antipsychiatrie autogestionnaire qui était surtout présente en Amérique du Nord et aussi en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, c'était le MPLF, le Mental Patients Liberation Front, où notamment on trouve une figure importante comme Judith Chamberlain, qui a écrit un livre qui s'appelle Anna Ron, donc de nous-mêmes, qui est pour la séparation des patients par rapport aux institutions psychiatriques au profit de collectifs en autogestion. Pourquoi? Alors, selon ces patients anti-psy radicaux, qui étaient proches de l'anarchisme, en fait, idéologiquement, hein, les problèmes d'ordre mentaux existent, mais la maladie mentale n'existe pas. Alors pourquoi? Parce que la maladie mentale, c'est ce qui est construit et catégorisé par la psychiatrie elle-même. C'est de la souffrance d'ordre mental, mais qui est causée par des structures sociales. Ça peut être notamment le travail dans le cadre capitaliste, le couple... dans le cadre patriarcal, ça pour les femmes. Et donc après, la question qui se pose, c'est quelle est la fonction de la psychiatrie dans tout ça? Elle n'est pas de régler ces problèmes d'ordre structurel. Elle est là pour contrôler les corps des gens qui ne s'adaptent pas à ces structures sociales-là, notamment d'incomber ces problèmes à une responsabilité individuelle de se soigner. C'est à vous de vous adapter. Et vous ne voulez surtout pas contester l'ordre social. Compressé dans un vide absurde, insurmontable inquiétude qui vient ronger ton assurance, ton estime, ta certitude. Ne serait-ce qu'une minute, le temps d'une interlude qui n'a jamais souffert de cette solitude. Trop de remises en question font de la question ta seule route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Il faut pas trop penser si t'as ce genre de penchant. C'est plus facile de s'y pencher que d'en éviter les tranchants. Les doutes c'est comme l'insomnie, l'abus est dangereux. Mais qui ne les a pas écoutés, donner du temps un peu précieux. Déjà que l'anxiété commence à infiltrer tes yeux, range cette part de folie, à trop douter, t'en deviens douteux. Moi, très tôt, j'ai des problèmes psy qui sont... Michaela Danger, cofondatrice du collectif Case Rebelle. Très mal pris en charge par les personnes que je rencontre, notamment des pédopsychiatres, qui sont dans l'incapacité absolue de saisir le rôle que le racisme joue dans ce que je traverse. Ils ont beau être psy, ils appartiennent à la société française, et donc si c'est le déni qui règne, évidemment, mais on peut pas travailler, c'est pas possible d'être soigné par quelqu'un qui pense que le racisme ça n'existe pas. Bah, y a la souffrance mentale ajoutée à une sensation d'abandon et aussi de pas parler du tout la même langue que les personnes auxquelles je suis confronté. Pour moi qui suis né dans les années 70, le schéma était assez simple, c'était violence raciale et ensuite vous êtes parano. C'était ça. Et tout ce qu'on voyait, enfin voilà, tout ce dont on souffrait pouvait pas être dénoncé parce qu'on nous disait que ça n'existait pas. Et dans un tel contexte, il faut vraiment être solide psychiquement pour tenir. Ce qui est remis en cause, c'est les faits. Et donc à partir du moment où on nie la réalité de ce qu'on voit, de ce qui se passe réellement, à partir du moment où c'est nié, plus rien n'est tangible en fait. C'est-à-dire que... Douter voilà, soi-même de tout. Voilà. L'esprit, il n'a plus beaucoup de refuge. On est obligé de tordre quelque chose, quoi. Face à des gens qui tordent le réel avec autant en toute majorité, avec une prétendue bonne foi, eh ben, l'esprit, il est soumis à une gymnastique qui n'est pas très bonne. On peut tomber dans un discours un peu simpliste qui consisterait à dire c'est normal de souffrir psychiquement dans un contexte de domination raciale. Et donc, toutes ces souffrances-là ont la même valeur. Autant, bah oui, la première partie de la phrase fait sens, effectivement. Mais il y a aussi, des troubles, ou bien juste, des neuroatypies, des choses qui, ajoutées au prisme racial, la dangerosité projetée sur les corps non blancs, vont exposer un surcroît de violence et vont pas être interprétés de la même manière chez une personne qui n'est pas blanche. Dès le début du cortège, les manifestants laissent éclater leur colère. France Bleu Armorique, 2016. Pour ce proche de Babacar Gaye, le plus important, c'est d'honorer la mémoire du jeune homme. C'est un frère, c'est un gars gentil. Nous sommes tous écœurés par ce qui s'est passé. La douleur reste toujours en nous. On est toujours en colère. On ne comprend pas pourquoi il fallait tirer jusqu'à 5 balles sur cette personne. Nous avons décidé de montrer notre indignation. Le cortège s'arrête devant l'immeuble où est mort Babacar Gaye. Un lâcher de ballon, une minute de silence. Puis sa sœur, Awa, très émue, prend la parole en wolof aux côtés d'un traducteur. Elle veut que la justice soit faite, rien avance. Elle a même peur que son fils se dise voilà, sa maman ne fait rien. Chaque jour, elle est là, elle se casse la tête, elle fait tout ce qu'elle veut. Babacar Gaye était en crise, armé d'un couteau incontrôlable selon les policiers. L'enquête a conclu à la légitime défense. Pour ce membre du collectif Vérité et Justice pour Babacar, c'est inacceptable. On demande que le minimum soit fait par la justice, c'est-à-dire que cette histoire horrible soit jugée, que toutes les personnes témoins puissent dire ce qui s'est passé, que ce soit aussi l'occasion de se rendre compte que c'est pas juste un fait divers, c'est un racisme institutionnel. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui prennent les balles? La famille de Babacar Gaye a déposé plainte pour homicide volontaire avec constitution de partie civile. Babacar... passer la soirée chez un de ses amis. Dans la nuit, il se sentait pas bien et il a pris apparemment un petit couteau de cuisine et il a commencé à s'automutiler en fait et donc inquiet, voilà, son ami a appelé les secours, sauf qu'on lui a pas envoyé les secours, on envoyait la BAC, on lui envoyait la mort. Et donc, Babacar a été abattu. Et la trajectoire des balles montre que il était de dos. Il menaçait personne à part lui-même. Il était en souffrance. Il avait besoin d'aide. Et voilà, on lui a envoyé la mort. Après, on a servi un récit criminalisant. Les pompiers l'ont trouvé menotté au sol, alors que, enfin, se vidant de son sang. Babacar, ça cristallise aussi, donc effectivement, le racisme, la psychophobie, un vécu de personnes exilées. Bah, disons que avec le travail qu'on a fait pour le livre Sans portrait contre l'État policier, Zonanji, cofondatrice du collectif Case Rebelle, on a pu mentionner des personnes dont la mort est effectivement à l'intersection de la violence d'État et de la psychophobie, comme Mohamed Diab en 1972. Mohamed Saoud en 98, Abdelhakim Hajimi en 2009, Mohamed Boukrourou en 2012, Mahamadou Marega également. Et je précise aussi que pour Mohamed Saoud et Mohamed Boukrourou, la France a été condamnée par la Commission européenne des droits de l'homme par rapport aux conditions, à l'usage disproportionné de la force, etc., dans ce qui a conduit à la mort de ces personnes. Voilà, on peut aussi citer Mehdi Fardani et Godefroy Djinekou. Voilà, il y a encore d'autres personnes, hein, la liste est plus longue que ça, de ces victimes-là. Serge Partouche. Septembre 2011, Marseille. Babacar Gaye. Décembre 2015, Rennes. Samali Diabaté. Août 2016, Centrale de Saint-Martin-de-Ré. Saïd Mhadi. Septembre 2021, Marseille. Mohamed Diab, 32 ans, 1m82, chauffeur de poids lourd, marié et père de 4 enfants, était d'un caractère emporté et parfois violent. Antenne 2, 1972. Il vivait avec sa famille dans ce bidonville de Porchefontaine, près de Versailles. En juillet dernier, il avait subi une cure de désintoxication. Sa famille voulait le faire interner, mais il refusait. Mercredi dernier, accompagné de sa femme et de sa sœur, Mohamed Diab était allé rendre visite à sa mère, hospitalisée à l'hôpital de Versailles. Que s'est-il passé ? Attentat à la pudeur, déclare la police. Version des faits contestée par la famille. Nos gardiens ont été appelés par téléphone à l'hôpital, ce qui arrive fort souvent, pour se saisir d'un individu qui refusait de sortir et qui causait du scandale. Effectivement, ils ont trouvé dans la loge de la concierge, M. Diab, qui était assis les pieds sur le bureau et qui commettait réellement un attentat à la pudeur. Lorsque la visite s'est terminée, il n'a refusé de partir. Il a demandé de rester encore un peu. Et lorsque la visite s'est terminée, les infirmières ont appelé la police. Lorsque M. Diab a été fouillé, cette opération l'a subitement mis en colère et il s'est emparé d'une chaise, se mettant à cogner sur les deux gardiens qui étaient à côté de lui. Les deux gardiens ont été assommés, ce que voyant le sous-brigadier Marquet a eu peur car Diab était réellement excité, dangereux, fou, furieux et il a pris une pistolet mitrailleur qui était à sa portée dans une armoire métallique. Diab s'est précipité, s'est approché du sous-brigadier Marquet dans l'intention certaine de s'emparer de l'arme. Et Marquet a tiré. Si on prend l'un des premiers, les plus marquants en tout cas, crimes racistes, où il y a de la psychophobie, qui est celui de Mohamed Diab en 72 au commissariat de Versailles, j'ai l'impression que c'est pas comme si le policier qu'il tuait faisait abstraction du fait qu'il avait face à lui quelqu'un en souffrance mentale. J'ai l'impression que le fait d'être face à quelqu'un en souffrance mentale, ça en fait une personne d'autant plus sacrifiable, en fait. Et ça, je pense que c'est une réalité qui fait que le crime ou la violence policière dans son ensemble va être d'autant plus facile à justifier. Ils étaient en train de le fouiller. Ils l'ont frappé sur les deux côtés en le maintenant sur le mur. Alors elle a crié « ne le frappez pas, il est très malade ». Antenne 2, 1972. Ils leur ont demandé de sortir toutes les deux et ils ont fermé la porte derrière elle. Lorsqu'ils l'ont frappé, Monsieur Diab a pris une chaise et a commencé à taper sur les deux autres. Tous les deux se sont mis à le frapper. Donc, la personne qui tira se trouvait au fond de la pièce. La personne qui tira a pris le pistolet mitrailleur et lui l'intima de rester sur sa place. Mais après, il s'est relevé. Il lui a demandé s'il voulait tirer sur lui. La personne qui tira lui répliqua « Oui, je vais tirer, sale race ». Lorsqu'il tira une en haut au plafond et deux autres sur la personne de M. Mohamed, ayant pris les deux balles dans le corps, il s'effondra au pied d'une porte à côté du comptoir. Il y a des personnes dont la circulation est beaucoup plus contrôlée que d'autres, beaucoup plus régulée, beaucoup plus soumise à des demandes, à des exigences, etc. Et donc, de fait, ça accentue le problème de soit être contrôlé dans un état de crise, ou soit de se retrouver dans une situation humiliante qui va provoquer une crise. On parle aussi d'un régime de contrôle d'identité, de contrôle des papiers, de contrôle du droit à être là, du droit à être dans l'espace public, qui est basé sur des rites bien établis d'humiliation, de tutoiement, etc. Donc, de toute évidence, ça va appuyer sur des personnes qui peuvent avoir des fragilités psychiques, mais même, ça peut pousser dans des retranchements des personnes qui, a priori, n'ont pas forcément de problématiques connues. C'est-à-dire que la criminalisation, elle fonctionne ainsi, c'est-à-dire sur la suspicion qui pèse sur un ensemble de populations, et les forces de répression font en sorte que le comportement vienne confirmer. Et donc, il s'agit d'une demande d'obéissance, de soumission qui correspond à des normes extrêmement rigides auxquelles tout le monde ne peut pas forcément répondre de la même manière, et voire pour un certain nombre de personnes, ça ne fait qu'aggraver la difficulté de la situation et la tension. Et l'issue est fatalement dramatique. Si on prend par exemple le cas de Serge Partouche, qui est mort à Marseille, donc la personne qui a prévenu la police a dit qu'il était autiste, donc ça a été converti en handicapé mental sur la fiche de poste, puis a été traduit par individu dangereux par l'opérateur s'adressant au policier. Donc Serge Partouche en est mort. Il y a tout un vocabulaire, et c'est vrai que cette fabrique des mots qui justifie tout un ensemble d'événements, comme par exemple le terme forcené, qui permet de ne pas avoir à forcément justifier qu'il y a une personne qui a été abattue. Ce processus d'énoncer des vies qui sont sacrifiables se retrouve dans tout ce qui se déploie autour du validisme et de la psychophobie, en fait. Il s'agit toujours de considérer que, bon, c'est pas, il ne s'agit pas de la population qui compte. Depuis 5 ans, 7 ans, on s'aperçoit qu'il y a un renouveau des mobilisations associatives avec l'émergence de nouvelles figures associatives, de nouvelles figures militantes. Gildas Bréguin. Qui porte un discours revendicatif très fort. Et en fait, contre les associations gestionnaires, en fait, et qui contestent le monopole de la représentation du handicap par des associations gestionnaires, et qui emploient, de mon point de vue aussi, un répertoire d'actions qui était jusqu'alors peu utilisé. Si l'on pense par exemple au fait que l'association Handisocial, par exemple, a eu recours à l'enfarinage du député Adrien Taquet pour contester en fait la réforme de la loi Elan. L'enfarinage d'Adrien Taquet et puis aussi des actions d'occupation. Voilà, ça me semble assez symptomatique aussi d'une prise de conscience que le fait de simplement manifester dans la rue ne suffit pas. Moi, j'ai remarqué que beaucoup des actions radicales qui étaient menées pendant les années 70 sur le sujet de l'accessibilité, par exemple quand les personnes handicapées en Espagne s'enchaînent sur des places qui ne sont pas accessibles ou alors bloquent des travaux de la voirie parce qu'ils ne respectent pas les normes d'accessibilité, mais ça a un impact très concret, c'est-à-dire que 3 semaines plus tard, les travaux respectent les normes d'accessibilité. On a bloqué des cimenteries, obligé à vider les toupies, en arrivant et en s'interposant, mais de manière totalement pacifique, calme, posée. On avait réussi une fois, on était je crois une dizaine, on a bloqué tout le sud de Toulouse et 4 cimenteries à la fois et tout un centre d'affaires. Odile Morin. Effectivement, à ce moment-là, on commençait à arriver des convocations de la police. Et puis entre-temps, on a aussi, la même année 2018, bloqué un TGV en gare de Toulouse pendant 1 heure. Il faut savoir qu'à la gare Matabiau, qui est la 4e ville de France, les personnes handicapées ne peuvent pas aller prendre le train comme tout le monde. Elles doivent réserver 48 heures à l'avance pour simplement pouvoir traverser la gare. Vous ne pouvez pas prendre le train au dernier moment, non. Et puis après, y a eu, je dirais, l'apothéose. C'était le blocage des pistes de l'aéroport de Toulouse pendant 1 heure où ça a interrompu le trafic aérien. Mais ça a fait du bruit et ça, voilà, ça nous a occasionné des poursuites judiciaires. Et nous avons donc été jugés le 23 mars 2021, dans des conditions indignes, dans un tribunal judiciaire de Toulouse, dans des bâtiments qui ne respectent pas les règles d'accessibilité. Une de nos camarades, qui a des difficultés d'élocution majeures, n'a pas eu d'interprète pour pouvoir s'exprimer. Alors que c'était au parquet et au magistrat d'organiser la compensation de nos handicaps pour nous permettre d'avoir droit à un procès équitable. La camarade qui est aveugle, qui n'a pas disposé de documents lisibles. Le dossier d'accusation n'était pas lisible par un lecteur d'écran pour les personnes aveugles. On n'a pas eu de pause pour aller aux toilettes. Une de nos camarades s'est pissée dessus pendant l'audience. Et puis, alors que nos avocats avaient bien prévenu du fait que un certain nombre d'entre nous dépendaient de services de transport spécialisés pour rentrer chez eux et d'auxiliaires de vie, ben on s'est retrouvé que le procès s'est fini à 22h alors que certains de nos camarades auraient dû partir à 20h. Et donc ça nous a obligés à occuper le tribunal à la fin de l'audience pour obliger le procureur et le président du tribunal à organiser nos retours chez nous. Ce qui montre à quel point ce pays n'est absolument pas préparé à nous accueillir et à nous permettre de vivre comme tout le monde, comme s'il y avait des sous-hommes, comme s'il y avait des sous-hommes et des sous-femmes, et que c'était normal. Il y a eu une volonté de nous humilier, ça je le pense vraiment. Je pense que l'objectif de la justice, c'était d'avoir une petite bande de handicapés penauds qui s'excusent, monsieur le juge, madame le juge, j'ai pas fait exprès, je recommencerai pas. Et grosso modo, c'est... Enfin, moi, je l'ai entendu aussi par rapport aux manifestations auxquelles je participais. C'était du discours, mais vous êtes handicapé, vous n'avez rien à faire dans une manifestation. Donc, grosso modo, le discours, c'est vous êtes handicapé, donc vous n'avez pas de raison de faire valoir vos droits, donc vous n'avez pas votre place dans l'espace public. Et donc, la Constitution française qui considère que la liberté d'expression et le droit de manifester sont des libertés fondamentales, ben, ça ne s'applique pas à nous. I spent it in good company, and all the harm that e'er I've caused, alas, it was to none but me. C'était une lutte d'émancipation collective avec Elisabeth Auerbacher, Odile Morin, Cécile Morin, Gildas Bréguin, Charlotte Puiseux, Rizzo Borin, Camille, Michaela Danger et Xonanji. Prise de son Fabien Gosset, Olivia Branger, Nicolas Mathias et Bruno Mourlan. Mixage, Claude Niort. Lecture, Sarah Webb et Marc Colmar. Documentation Radio France, Antoine Vuillose, Anne-Lise Signoret. Archivina, Delphine Desbiens. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carpon. Merci à Rizzo Borin pour ses conseils et son écoute critique. Handicap, la hiérarchie des vies, une série documentaire de Clémence Alzard, réalisée par Asser Khalid.